Molodoy. C'est la fête au Molodoy, tout le monde est paré. Ce soir tout le monde danse car tout le monde est hué. On boit de la bière, on tchatch, on fume des tapés. Rien ne peut nous arrêter car l'équipe est carrée. C'est la fête au Molodoy, tout le monde est paré. Ce soir tout le monde danse car tout le monde est hué. On boit de la bière, on tchatch, on fume des tapés. Rien ne peut nous arrêter car l'équipe est carrée. Hey Molodoy, hey Molodoy, come on. Oh Simon, gros connexion. Today, wow. Eh ben oui. Aujourd'hui c'est au Molodoy, ça fait l'ambiance et tout le monde paga à bouger, aujourd'hui tu vois Molodoy, oui, voilà l'ambiance, tout le monde paga à bouger, Molodoy, Molodoy, ça fait bouger, oh, allo, ça fait bouger, Molodoy, y'a l'ambiance. Tout le monde dans la salle là, tu vois. Eh ben tu veux, tout le monde n'est pas qu'à bouger. Tout le monde dans la CP là, c'est bien, ouais. Tout le monde dans l'ambiance, mais tu vois. On prend un peu plus de la bière bas. Eh ben oui, mais c'est là où tu fais vivre. Ben oui, là, c'est là où tu fais vivre. Molodoy, ouais. C'est là où fait bouffe. Ouais, tous les soirs on est là, dit Molodoy, il y a l'ambiance. Ben ouais, eh ben ça fait bouger. Molodoy, il y a l'ambiance. Oh Molodoy, ouais, il y a l'ambiance. Tout le monde est bougé, bougé. Tous les meufs dans la CP là. Tous les meufs aux pistes, tu vois. Tout le monde dans la CP là, c'est ouais. Tous les mecs tout dans la CP là. Tout le monde. Hand your hat! Yo! Aha! Wanti, wanti! Hey! Congo connecte dans la CP là! Wow! Molodoy, ouais, ça fait vivre. Oh Molodoy, ouais, ça fait bouger. Oh Molodoy, ouais, ça fait bouger. Tout le monde dans la CP là, ouais. Tout le monde dans la CP là, Molodoy, ça fait bouger.